Chapitre 3. Aubry et ses maîtres. Gilberte ayant fait part à sa tante du désir qu'elle avait de recevoir Jean Mareuil chez elle, Madame de Praz n'eut garde de s'y opposer. Outre qu'il entrait dans ses habitudes de ne rien refuser à sa nièce, tradition qu'elle ne pouvait rompre, Madame de Praz se félicita d'un état de choses qui allait lui permettre d'étudier de plus près ce fâcheux séducteur. Jean Mareuil fut donc admis chez Mademoiselle Laval au nombre de ses familiers. Lionel en profita pour pénétrer dans la vie du jeune homme, autant que l'y autorisait la politesse plutôt froide de l'intéressé. Il s'arrangea de façon à le rencontrer fréquemment sur les terrains qui pouvaient leur être communs, au golf, au tennis, à la salle d'armes. Mais au bout de quelques jours, cet espionnage lui parut tellement inutile, sinon grotesque, qu'il résolut de l'abandonner, et cela d'autant plus logiquement qu'Aubry, l'ancien maître d'hôtel, chargé par lui d'une surveillance plus étroite, plus policière en quelque sorte, et qui nécessitait l'action d'un homme inconnu de Jean Mareuil, avait suivi ce dernier, et le suivait encore dans toutes ses sorties, sans rien apercevoir qui fût suspect. Lionel fit part de sa décision à Madame de Praz. Il trouva en elle une résistance qui, pour sembler instinctive et sans raison, n'en était pas moins opiniâtre. « Depuis que j'observe M. Mareuil, dit-elle, si peu que je l'ai vu jusqu'ici, je me suis fait une opinion. Je sens, je suis sûre, qu'il nous cache quelque chose. Ses rêveries, ses préoccupations ne sont pas naturelles. » Il y a je ne sais quel mystère dans sa vie. Mais quoi ? Demanda Lionel avec irritation. Précisez, bon Dieu, puisque je vous dis. Quoi ? Nous le saurons. Sois gentil et cherche. Pour le moment, ce n'est qu'une impression que j'ai. Mais tu sais que mes impressions me trompent rarement. C'était vrai, Lionel s'était souvent incliné devant la pénétration de sa mère. « Je reconnais, dit-il, que vous ne manquez pas de flair. Je crains seulement, aujourd'hui, que vous ne preniez vos désirs pour des pressentiments. Par Dieu, maman, je suis comme vous, je voudrais bien que Gilberte devienne ma femme, car la petite a le sac. »« Il faut que tu l'épouses, » fit Madame de Praz. Lionel l'examina fort peu respectueusement. « Qu'est-ce qui vous prend ? Il faut ? Il faudrait, oui. » Mais si nous ne pouvons pas convaincre Gilberte de l'indignité de Jean Mareuil, nous serons bien forcés de trouver autre chose pour qu'elle ne l'épouse pas, quitte à n'épouser personne. Je trouverai bien, moi. Non, non, c'est inutile, s'écria Madame de Praz. Ma parole, vous m'impressionnez, maman. Est-ce que je vous effraie? Vous avez l'air de m'implorer. Je n'ai dit que ce que je voulais dire. « Mon Dieu, Lionel, que vas-tu penser là ? Mais non, je n'ai rien soupçonné dans ce que tu viens de dire, mon enfant. »« Pas vrai, j'ai lu votre frayeur dans vos yeux. »« Non, non, non, mon grand, ne crois jamais cela !» Suppliante, elle voulut l'étreindre, mais lui restait comme de pierre, la regardant avec fixité. Elle avait noué ses mains autour du cou de son fils et levé vers sa face dure la prière de ses yeux si pauvrement colorés. « À quoi bon cette irritation ? » dit-elle. « Tu n'auras rien à trouver, mon grand chéri, puisque je t'affirme. Je t'affirme, entends-tu, qu'il y a dans les affaires de M. Mareuil quelque chose de trouble, quelque chose qu'il nous cache. » Et du moment qu'il dissimule, c'est que cette chose, mauvaise pour lui, est excellente pour toi. » Sentant qu'il mollissait, gagnée par tant de certitude, elle poursuivit, tendrement persuasive. « Veux-tu que je t'aide ? Oui, n'est-ce pas ? Je voudrais voir Aubry moi-même me rendre compte exactement du point où vous en êtes. » Lionel bougonna. « Si vous voulez. » Le soir même, un taxi s'arrêta devant le numéro 47 de la rue de Tournon. La comtesse de Praz en descendit avec le comte Lionel, son fils, et tous deux entrèrent dans la loge du concierge. Aubry les attendait. Il se confondit en salutations. Vilaine figure que celle-là, bonhomme grisâtre aux petits yeux faux, tête dans les épaules, long bras de gorille, démarche oblique. De son métier de valet, Aubry avait gardé la science de s'effacer, de passer inaperçu, de se mouvoir sans bruit et d'agir en sourdine. Il faut qu'un maître d'hôtel bien stylé n'attire pas l'attention. Il doit circuler silencieusement autour de la table qu'il sert, manier d'une main de velours l'argenterie pourtant sonore, la vaisselle pourtant retentissante. C'est un homme invisible. Les plus experts donnent l'impression que personne ne s'active à passer les plats, que le service est fait par enchantement et que c'est un fantôme négligeable qui, en versant les vins, vous chuchote à l'oreille « Barsac, Chambertin, Amontillado ». Tel était cet Aubry qui, malgré des talents aussi précieux, n'avait pu cacher à Gilberte Laval une laideur simiesque dont la vue avait fini par lasser la jeune fille. Car cette laideur était moins faite de disgrâce physique que de difformité morale. Rien ne pouvait indisposer Gilberte comme l'éternel et obséquieux sourire qui relevait la lèvre rasée de cette espèce d'anthropoïde, furtif et sournois. C'est pourquoi elle avait prié sa tante de l'en débarrasser, ce qu'Aubry ne lui pardonnait pas. Madame de Praz, qui l'avait placée comme concierge dans un immeuble appartenant à sa nièce, l'employait de temps en temps à des besognes de confiance. Il s'en acquittait habilement, à la dérobée, en tapinois, comme une ombre servile. Pendant quoi, Madame Aubry, dont il n'y a pas lieu de parler, assumait les respectabilités de la loge. « Mon bon Aubry, dit Madame de Praz, nos affaires n'avancent guère. Voyons, dites-moi ce que vous avez fait jusqu'à présent. Asseyez-vous, Aubry, asseyez-vous. » « Madame la comtesse est bien bonne, fit le concierge, en s'asseyant avec la gaucherie du respect. « Eh bien voilà, madame la comtesse, il n'y a rien à reprendre à la conduite de monsieur Mareuil. Monsieur le comte m'a dit de le pister, je l'ai pisté soigneusement. »« Sans difficulté ?»« Sans la moindre difficulté. Ce monsieur est dans les nuages la plupart du temps. Toutefois, il ne reste jamais inoccupé. » Ou alors, madame la comtesse, on voit bien qu'il travaille, que sa tête marche. Justement, fit madame de Praz, à quoi songe-t-il ? Lionel expliqua d'autorité. Vous savez bien, maman, que Jean Mareuil est un chercheur, un laborieux et un artiste. Madame de Praz l'arrêta d'un geste ébauché. Quel est l'emploi de son temps, Aubry ? Monsieur Mareuil se lève de très bonne heure, madame la comtesse. Il monte à cheval au bois. « Au bois, toujours? Vous en êtes certain ?»« Moi, j'en suis certain, trancha Lionel. Je l'ai accompagné plusieurs fois déjà et j'ai pris mes renseignements. » Ensuite, poursuivit Aubry, « Monsieur Mareuil rentre chez lui et il en ressort bientôt pour se livrer à d'autres sports jusqu'au déjeuner qui lui arrive d'aller prendre à son cercle. Parfois, cependant, un tour à pied ou quelques rendez-vous d'affaires occupe sa matinée. » Ensuite, madame la comtesse, c'est la vie d'un homme tel que monsieur le comte vient de le dire. Des concerts, des visites à des galeries de tableaux, à des musées, des stations dans les bibliothèques, des visites encore chez des antiquaires, des brocanteurs, enfin, dans tout ça, rien à reprendre. Il y avait bien, au début, des promenades en auto qui m'inquiétaient, mais j'ai fait connaissance avec le chauffeur de monsieur Mareuil. Monsieur Mareuil lui dit chaque soir ce qu'il fera le lendemain avec l'auto. Alors, quand il a fallu, j'ai loué tantôt une torpedo, tantôt une camionnette pour dépister, et je me suis rendu à l'endroit fixé où j'arrivais toujours avant Monsieur Mareuil, comme de juste. Eh bien, madame la comtesse, là non plus, je n'ai rien découvert de répréhensible. Mais où va-t-il ainsi ? Voir des vieux monuments de la banlieue, madame la comtesse, ou bien des domaines historiques, ou encore des brocanteurs. Le chauffeur est assez bavard, j'en tire ce que je veux. Mais cet homme est-il sincère avec vous ? Forcément, madame la comtesse, puisque j'ai déjà contrôlé plusieurs de ses indiscrétions. En effet, et le soir, après le dîner ? Monsieur Mareuil sort assez rarement pour un Parisien de sa trempe. Par-ci, par-là, théâtre, concert ou conférence. Le music-hall, par hasard. La fête, jamais. Il paraît qu'autrefois, M. Mareuil a goûté de Montmartre, comme tout le monde, mais qu'il en est complètement revenu. Donc Aubry, M. Jean Mareuil rentre chez lui, le soir, régulièrement, et souvent très tôt. Que fait-il une fois rentré? Il travaille? Oui, madame la comtesse. Et Lionel, tournant le dos et regardant par le vitrage de la porte? Il est l'auteur d'une étude appréciée sur les femmes dans l'œuvre d'Eugène Delacroix. Maintenant, il achève un assez gros bouquin, « Le dandysme en Angleterre, de Buckingham à Brummel ». Dandy lui-même, il est, ou voudrait l'être, un peu comme d'Orsay et un peu comme d'Aurevilly, sportsman et littérateur. Mais quand voulez-vous qu'il travaille, si ce n'est la nuit, maman? Vous en êtes-vous assuré, Aubry? Il m'est impossible d'entrer dans l'hôtel, surtout la nuit. Mais des complicités. Aubry garda le silence pour éprouver, ayant l'air de dire, « Ce serait bien dangereux, madame la comtesse, ce serait risquer de compromettre bien des gens et bien des choses. » « Oui, » fit madame de Praz toute songeuse. « Savez-vous, dit Lionel, que j'ai entendu quelqu'un surnommer Mareuil, l'homme qui ne dort pas? On m'a dit qu'il veillait sous la lampe jusqu'à l'aube souvent. C'est à peine s'il prend du repos. Un docteur de ses amis m'a même fait observer que ses yeux ont je ne sais quoi de particulier, qui est, paraît-il, la caractéristique des grands veilleurs. » Mais madame de Praz, pinçant les lèvres, murmurait « En somme, notre surveillance, la tienne, la vôtre, la mienne, notre surveillance, exercée du matin au soir, mais non du soir au matin, n'a donné aucun résultat. Et pourtant, mon instinct me certifie. Mais quoi ? Redit Lionel avec une impatience bourrue. Quand des yeux me regardent, s'obstina madame de Praz, je sais toujours s'il n'y a pas, ou s'il y a, dans le fond du personnage, une cachette mystérieuse. Aubry, Lionel, il faut savoir si vraiment monsieur Jean Mareuil passe toutes ses nuits au travail. Ce ne sera pas commode, madame la comtesse. Sachez d'abord si personne ne pénètre dans l'hôtel la nuit et si personne n'en sort avant l'aube. Une femme ? Demanda Lionel Goyer. Parbleu ! Fit madame de Praz. Cela, dit Aubry avec son sourire le plus vulgaire, cela, c'est facile.